Tram, trois petits points. Cerne, cuisine, cerne, cuisine. Tram. Tram, ferma. Escalier, pigeon. Clé, espace, clé, bureau. Tram. Tram. Jean Massé. Nuit. Atelier, nuit, froid. Marche. Tram. Jean Massé. Rencontre. Interview, répercussion. Trace, cuisine, clé, tram. Tram. Ferma. Répétition. Perf, chauffage, cuisine, fantôme, nuit, voiture.